Chapitre 4. Les méfaits d'une grève. Connaissez-vous les usines de mon père ? De vue, oui. Je connais admirablement Monzy, où j'ai longtemps séjourné. Ce sont les plus importants établissements de la région et même de la France entière. Autrefois spécialisés dans la fonte de l'acier brut, puis la fabrication de charpentes métalliques, mon père a peu à peu agrandi son exploitation. En dernier lieu, il fabriquait presque tous les objets métalliques jusqu'à de la coutellerie, rasoirs, ciseaux, etc. Mais la grosse production restait les charpentes, les pièces pour automobiles, motocyclettes, bicyclettes, des machines à écrire, le petit outillage, tous objets en acier, fer et fonte, jusqu'à les chaises de jardin et des batteries de cuisine. Le 15 juin, le secrétaire du syndicat des métallurgistes décréta la grève. La cessation du travail fut effective le 18. Pourtant, l'homme doit lutter sans cesse. Il n'est pas le maître d'arrêter sa tâche selon son bon plaisir. Il faut dompter la nature ou être écrasé par elle. Je visitai l'usine après une quinzaine de jours de cessation de travail, pendant lesquels nous n'avions même pas pu obtenir du syndicat des ouvriers pour l'entretien des machines. J'eus cette impression de l'hostilité de la matière façonnée contre les hommes qui avaient négligé de pourvoir à ses besoins. Qui sait ? La rouille est peut-être une protestation du métal qui veut être huilé, qui veut travailler, accomplir la fonction pour laquelle les hommes l'ont créée. L'usine arrêtée est une usine morte. Avez-vous pénétré à l'intérieur de la fonderie ? Non, je n'en ai pas eu l'occasion. Vous ne pouvez concevoir alors l'aspect de cadavre que présentait l'usine abandonnée. Le mouvement, la vie, s'était retiré de tous ses organes. Et quel organisme actif et bruyant en pleine activité ! Pont roulant sur les rails, énormes poches de métal en fusion qui se promènent dans les airs, bennes remplies qui viennent elles-mêmes verser leur contenu dans le convertisseur. Celui-ci, comme doué d'intelligence, s'incline, sa tâche terminée, pour se débarrasser des scories dans une poche venue à cet effet se placer où il fallait et qui disparaît aussitôt. Le convertisseur fait alors un second mouvement pour se décharger du bel acier liquide. Et le travail des laminoirs, rouages multiples, un bras de métal terminé par une énorme pince paraît vivre d'une existence diabolique. Il saisit les lingots, les tourne, les retourne, les plonge dans des fours dont il a délicatement enlevé le couvercle et qu'il recouvre avec la même précision. Et partout, les outils qui se meuvent travaillent avec application. Des cisailles qui sectionnent l'acier, des marteaux pilons qui l'écrasent, 1000 organes de préhension qui saisissent le métal, le manipulent, le dirige avec sollicitude ou rudesse, de la sortie des fours jusqu'à l'endroit où il prend sa forme définitive. Toute cette vie s'était arrêtée. Le silence de la mort planait sur l'outillage poussiéreux. Dites, ne croyez-vous pas que le métal puisse ressentir de la haine pour ceux qui le laissent périr de faim ou d'inaction ? Je ne répondis pas exactement à sa question. Je lui demandai, connaissez-vous les raisons pour lesquelles les ouvriers de votre père avaient abandonné le travail ? Une augmentation de salaire. Quelques jours après, mon père embaucha un personnel de fortune et avec le concours des ouvriers fidèles, il s'efforça de remettre en marche les machines. Cela n'alla pas tout seul. Des actes de sabotage se produisirent. Mon père constitua une garde d'hommes sûrs chargés de veiller la nuit sur les usines. Elle était formée de 2 équipes de 3 hommes sous la direction effective de mon frère et de l'ingénieur Marc Brunet. Votre fiancé. Lui-même. Dit très vite mademoiselle Alstine. Il croyait la culpabilité des ouvriers révoquée. À eux deux, ils se partageaient la garde de l'usine. Presque chaque matin, des actes criminels étaient découverts. Le 27 juin, j'entrai brusquement dans le bureau de mon père. Je venais lui dire bonjour comme de coutume. Marc Brunet était devant lui. Ils firent à peine attention à mon entrée. Je les écoutai un instant. Mon père disait « Nos hommes de garde sont pourtant des hommes de confiance. » Vous êtes certain qu'ils ont circulé toute la nuit ? Absolument. J'ai vérifié le contrôleur de ronde. Les rondes se sont succédées de quart d'heure en quart d'heure. J'étais moi-même dans la salle des machines, et je n'ai rien entendu. C'est incroyable, dit mon père. Comment, en si peu de temps, ont-ils pu mener à bien ou à mal leur œuvre de destruction ? Une catastrophe s'est-elle encore produite ? M'écriai-je. Non, dit Marc, aucun accident de personne. Nous sommes seulement dans l'impossibilité de fonctionner. Nos moteurs électriques ont été mis hors d'état. Toutes les parties métalliques ont été enlevées ou faussées. Les fils sont brisés. C'est un court-circuit. Non, les plombs sont intacts. Alors, ce sont encore eux, s'écria mon père avec un geste de désolation. Pourtant, il n'était pas homme à se laisser abattre. Il ajouta en se tournant vers l'ingénieur. Commencez les réparations immédiatement. Je veux que tout soit remis en état avant demain midi.